Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Georges-Émile Lapalme, l'homme de l'ombre de la Révolution tranquille. Le renouvellement du Parti libéral n'est pas d'hier. Il a été entrepris par cet homme sincère et intrépide qui met à la gauche, Georges-Émile Lapalme. Jean Lesage, le soir de son élection comme chef du Parti libéral du Québec, le 31 mai 1958, cet extrait, aussi court puisse-t-il être, est magnifiquement représentatif de ce qu'a été la carrière de Georges-Émile Lapalme, l'homme de l'ombre, le bon chef de l'opposition qui n'aura jamais réussi à prendre le pouvoir et à devenir premier ministre. Lapalme a été chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Il a mordu la poussière deux fois devant l'omnipuissant Maurice Duplessis aux élections générales de 1952 et à celle de 1956. Et au moment où le duplessisme se met à battre de l'aile et où les libéraux commencent à sentir le pouvoir au bout de leurs doigts, on montre la porte à Lapalme et on choisit Jean Lesage pour lui succéder à la direction du Parti libéral du Québec. Lapalme n'en restera pas moins l'un des principaux architectes de la Révolution tranquille et il va devenir le premier titulaire du ministère des Affaires culturelles du Québec dans le gouvernement de Jean Lesage. Quand on consulte le programme du Parti libéral de 1960, qui donnait les grands principes de la politique qu'on a appelée la Révolution tranquille, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Ce qu'il y avait dans ce texte-là se retrouve dans le programme. Est-ce que vous seriez l'auteur du programme politique de 1960? Est-ce que vous seriez le père méconnu de la Révolution tranquille? Méconnu, il y en a tout de même quelques-uns qui le savent. Les choses qui étaient contenues là-dedans n'étaient pas des choses totalement inconnues. Mais elles étaient passées inaperçues, à peu près comme tout ce qu'on avait fait pendant, ou tout ce qu'on avait dit pendant toute la période durant laquelle j'ai été chef de l'opposition. Et quand est arrivée l'élection était déclenchée, nous n'avions pas de programme, nous avions demandé à la hâte, au comité politique de la Fédération d'en préparer un. On nous a présenté des choses, c'est pas un reproche que je fais, des choses informes, et puis on s'est trouvé un groupe au Windsor un dimanche matin, on a passé la journée là, et rien ne faisait, on se trouvait encore devant rien, rendu à minuit. Et à ce moment-là, Jean Lesage a dit, ben, le programme, ne vous en faites pas, il est tout fait. Lapalme l'a dans les volumes qui nous a passés. Georges-Émile Lapalme, deux ans après son retrait de la vie politique, à l'émission Le sel de la semaine, animée par Fernand Seguin, le 18 novembre 1968, pour nous parler du parcours, de l'importance, une importance méconnue qu'a eu Georges-Émile Lapalme dans l'histoire du Québec moderne. Je reçois l'historien et politologue Jean-Charles Paneton, qui a écrit la biographie Georges-Émile Lapalme, précurseur de la Révolution tranquille. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour, bonjour. Quelle importance il a eu, Georges-Émile Lapalme, dans cette histoire contemporaine du Québec? Mais Georges-Émile Lapalme est un acteur qui est très, très important. Méconnu peut-être parce qu'il s'intéressait à une question qui n'est pas très populaire, qui est celle de la culture. Lapalme a toujours défendu la question culturelle, la question de la langue, comme pivot à l'intérieur même de cette grande question culturelle-là. Donc, il a travaillé très, très fort. Méconnu parce que c'est un chef, c'est un perdant dans l'histoire. Oui. C'est pas un gagnant, Georges-Émile Lapalme. Ce qui est rare chez les chefs du PLQ. Ce qui est très rare. Il y a une autre exception. Il y a Claude Ryan qui est un peu dans ce cas-là aussi. Donc, deux profils, si on peut dire, d'intellectuels. Des gens qui sont très solides, qui ont beaucoup d'idées de grands réformistes. Mais malheureusement, dans le cas de Lapalme, il s'opposait à un chef qui était omnipuissant, qui était Maurice Duplessis. Et donc, il a perdu les deux élections qu'il menait à la tête de ses troupes libérales, celle de 52 et celle de 56. Mais c'est vraiment, je titrerais l'émission « Homme de l'ombre », c'est ça. Si on avait à résumer son parcours, quelqu'un qui a une contribution très, très importante, cette Révolution tranquille, ce programme électoral des années 60, de 1960 des libéraux, c'est lui. Mais pourtant, à peu près personne ne se souvient de lui. Non, c'est effectivement c'est le cas. C'est fou quand même. C'est tout à fait, c'est fou, effectivement. Surtout que la Palme a fait beaucoup de choses, même dans ces fameuses années 50 où il avait très, très peu de place parce que Duplessis occupait tout l'espace politique. Il a quand même tenté de faire un certain nombre de grandes réformes au sein même du Parti libéral. Ouais. C'est un réformiste, un progressiste, appelons-le selon le qualificatif qu'on choisit. Mais c'est quelqu'un qui s'est entouré aussi de gens comme Jean-Louis Gagnon et qui a voulu faire un ensemble de réformes et démocratiser le parti. Malheureusement pour lui, le Parti libéral du Québec à cette époque-là est plutôt inféodé au Parti libéral fédéral et ça s'adonne que les libéraux fédéraux, qui sont plutôt conservateurs avec leur chef, Louis Saint-Laurent, qui est le premier ministre, s'entendent beaucoup mieux avec Maurice Duplessis qu'avec ce réformiste qui est Georges-Émile Lapalme. Oui. En fait, vous titrez la biographie que vous avez consacrée à Georges-Émile Lapalme, précurseur de la Révolution tranquille. Dans précurseur, il y a avant-gardiste, il y a avant tout le monde. Et à vous écouter, en fait, il était d'abord, Georges-Émile Lapalme, précurseur dans les propres rangs de son propre parti. Là. Absolument. Toute la question, et c'est une question qui est très intéressante, et très importante. Les libéraux n'étaient pas prêts encore à ce moment-là pour ce qui va venir. Exactement. Et Lapalme s'est fait donner plusieurs crocs en jambes, si on peut dire, de la part des libéraux fédéraux qui ont appuyé souvent publiquement Maurice Duplessis au détriment de positions contraires qu'avait pris Georges-Émile Lapalme. Sur la question de la taxe, de l'imposition, c'est-à-dire sur la question du minerai à un sou la tonne. Lapalme dénonçait ces ententes-là qu'avait pris le gouvernement Duplessis, alors que Louis Saint-Laurent, Ottawa, applaudissait. Donc, c'est un rôle qui était très difficile et Lapalme a voulu se dégager donc de la structure fédérale en mettant plusieurs éléments, en démocratisant en fait son parti et en voulant libérer la caisse électorale assez obscure à l'époque, comme ça l'était pour l'ensemble des partis politiques, a voulu libérer la caisse électorale en créant une grande association où les membres ou les libéraux cotiseraient. Et ce sont d'ailleurs des idées qui ont inspiré un journaliste à l'époque, qui deviendra plus tard un homme politique important, René Lévesque. Ouais. René Lévesque dira... Les idées que Lapalme a mises en place et défendait dans les années 50 ont été à même de m'amener à m'impliquer en politique à partir de 1960. Et il joint d'ailleurs l'équipe de Jean Lesage. Ce qui est fascinant, c'est que ce Lapalme, qui décide de prendre ses distances comme chef du Parti libéral du Québec des libéraux à Ottawa, vient pourtant des rangs du Parti libéral du Canada. Bien, c'est là qu'il commence sa carrière politique. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'establishment en 1950, c'est l'establishment fédéral qui pousse la candidature d'un député finalement très peu connu, un backbencher, si on peut dire, parce qu'on le pense malléable, parce qu'on pense qu'il ne fera pas trop de troubles, trop de problèmes. Et d'ailleurs, on va tasser l'aile qu'on appelle à l'époque provincialiste, qui est plus nationaliste, plus québécoise, au sein même du Parti libéral du Québec, pour permettre à Lapalme de se présenter. Son opposant à l'époque va donc perdre. Il s'appelle Jean-Marie Nadeau. C'est le père du journaliste Pierre Nadeau. Et lui va être écarté carrément. Il va d'ailleurs dénoncer à un certain moment donné cette espèce de mise en scène-là de la course au leadership en 1950 avant de se rallier plus tard à Georges-Émile Lapalme comme tel. Bon. Donc, 45 à 49, Lapalme est à Ottawa. Avec cet appui des fédéraux, il devient chef du Parti libéral du Québec en 50. Quel genre de chef il est? Il est un chef qui arrive avec des troupes qui sont pratiquement des troupes provinciales, libérales provinciales, qui sont décimées parce que la plupart des talents et des forces se trouvent à Ottawa où l'on a le pouvoir et tout. Oui. Donc, il a très, très peu de gens autour de lui. Il a très, très peu de moyens financiers. Et donc, c'est très, très difficile et il y a d'énormes tensions entre l'aile provincialiste, comme je le mentionnais, et l'aile fédéraliste qui est beaucoup plus puissante. Et entre les réformistes aussi, auxquels appartient Lapalme, ils avaient une expression, les réformistes, là, j'oublie l'expression, quand ils parlaient de leurs collègues plus conservateurs, ceux qui voulaient que rien ne change au sein du Parti libéral, mais il y a ça aussi, oui, les anciens et les modernes. Il y a les anciens et les modernes, et donc lui fait évidemment partie des réformistes qui veulent changer des choses. Et dans le programme de 1952, il va vouloir mettre en place un certain nombre de mesures favorables aux ouvriers, entre autres sur la question du travail. Il va s'attirer les foudres de ministres fédéraux qui vont le dénoncer et dire que c'est un communiste et qu'il faut l'enlever de là. Ouais, donc, il est sans moyens avec une toute petite équipe de progressistes autour de lui. Je le disais, Jean-Marie Nadeau, Jean-Louis Gagnon. Ouais. Et il tente de se débattre et d'amener ses idées et de les défendre, mais il a peu de moyens pour le faire. Et puis, il a aussi, en face de lui, ce redoutable politicien, Maurice Duplessis, qui règne en roi et maître sur le Québec. On écoute Georges-Émile Lapalme, ça vaut le détour, à l'émission Propos et confidences du 6 décembre 1977. Il parle de la relation qu'il a avec Maurice Duplessis. Ouf. Nous l'avons maudit. Parce que nous l'avons vu ruiner des libéraux uniquement parce qu'ils étaient des libéraux. Mais je l'ai surtout méprisé pour ce que j'appelais sa malhonnêteté intellectuelle. Je ne pouvais pas croire qu'il affirmait certaines choses en y croyant. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons deux groupes. Le groupe d'opposition, le groupe de l'Union nationale. Nous avons devant nous le groupe d'opposition qui promet, repromet et promet toujours. Le groupe de l'Union nationale qui réalise, améliore et perfectionne. Vous avez du côté de l'opposition un soi-disant chef qui est dirigé par un remote control. Maurice Duplessis qui accuse dans cet extrait Georges-Émile Lapalme en mai 1956 d'être téléguidé, le remote control dont il parle, c'est qu'il dit que Lapalme est téléguidé par les fédéraux, par le Parti libéral à Ottawa. Juste avant, vous entendiez Georges-Émile Lapalme parler de son mépris. C'est quand même pas rien, Jean-Charles Panton, le mépris qu'il avait pour le chef Maurice Duplessis, comme on l'appelait à l'époque. Il se déteste. En tout cas, Lapalme, je pense que c'est mutuel, Lapalme déteste Maurice Duplessis. Il faut comprendre une chose, c'est que le contexte politique des années 50 est très, très différent. Et Maurice Duplessis, on l'entend, c'est un démagogue, un populiste dans son discours et tout. Il est très drôle parfois à entendre comme ça dans des extraits. Mais si on est confronté à lui dans les années 50, c'est un peu moins drôle, surtout si on est chef du Parti libéral du Québec. Pourquoi? Parce que Duplessis ne tolère aucune concurrence politique. Il l'écrase, il veut l'écraser de manière complète, entière. Et donc, quand il est élu en 53, il entre à l'Assemblée nationale, c'est pas l'Assemblée nationale à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, mais il entre donc en chambre. Duplessis n'ira pas le saluer. Et pourtant, c'est la tradition britannique d'aller saluer quand un nouveau chef de l'opposition entre en chambre, on va le saluer, on va lui serrer la main. Ouais. Duplessis va complètement l'ignorer. Et les attaques vont au-delà même de l'aspect politique et des idées. Et Lapalme s'en rappelle très bien. Il a trouvé ça très, très difficile parce qu'il se rappelle, entre autres, que pendant les campagnes électorales, entre autres, les religieuses faisaient prier ses filles contre le communisme en associant, en fait, le Parti libéral du Québec au communisme. Donc, on peut imaginer qu'une telle... une telle hargne, une telle politique, un tel ton en politique comme ça, que ça puisse atteindre profondément un individu et l'amener comme ça dans un... Il dit carrément qu'il méprise Maurice Duplessis. On l'entend dans l'extrait, mais ce n'est qu'un des nombreux exemples. Pendant des années, Duplessis va se faire un malin plaisir à ridiculiser Lapalme. Il s'en moque, c'est des railleries. C'est ça le ton, là. Oui, il le dénigre, il le considère pour pratiquement rien. Il ne considère aucune de ses idées et il l'attaque même parfois au plan personnel. Et donc, ça crée des antagonistes qui sont nécessairement irréconciliables. C'est une politique qui est très, très dur. Oui. Il va se casser les dents, Georges-Émile Lapalme, deux fois dans des élections générales devant Maurice Duplessis. En 58, le vent commence à s'essouffler, le duplessisme commence à s'essouffler et on décide que c'est un nouveau chef qu'il nous faut. Expliquez-moi ça, Jean-Charles Panton. Cet homme-là a été important dans les idées qui deviendront celles de la Révolution tranquille. Comment se retrouve-t-il à être écarté en 1958 de la direction du Parti libéral du Québec? Ça commence avec l'association des jeunes libéraux qui vont se réunir et qui vont vouloir remettre en question son leadership. Alors, à ce moment-là, lui, il va se rendre rapidement à cette rencontre-là pour aller dissiper un peu tout ça. Il faut dire aussi que Lapalme réfléchit déjà à son avenir. Lapalme est déjà épuisé, déjà fatigué de toutes ces années quand même où il a travaillé près de 8 ans en face de Maurice Duplessis. Ça l'a usé, c'est beaucoup. Et donc, il réfléchit peut-être à s'en aller, peut-être à quitter. C'est vrai que le vent commence à tourner. C'est vrai que Lapalme aussi réussit certaines choses quand même malgré tout à travers ces années-là. Mais les fédéraux ne veulent pas que Lapalme se présente comme chef aux élections de 60. Donc, ils vont travailler très, très fort à l'exclure. Il va y avoir une négociation, en fait, entre les réformistes du Parti libéral du Québec, parce qu'on ne veut pas se diviser à l'aube d'une prochaine campagne électorale. Et les réformistes vont donc négocier, avec Lapalme à sa tête, un certain nombre de réformes qui devront être inscrites au programme du Parti libéral de 1960. Donc, oui, je pars. Le sage, d'ailleurs, vient lui aussi d'Ottawa, hein, il faut le rappeler. Absolument. Donc, oui, je pars. Oui, je laisse la place de chef à Le sage, mais à condition que certaines de mes idées soient au cœur du programme. Alors oui, ses idées à lui et celles de tout son groupe de réformistes et progressistes, ils vont négocier un certain nombre de, d'acquis qui seront intouchables et donc qu'on retrouvera à l'intérieur même du parti, du programme du Parti libéral du Québec en 60. Et ce programme-là, je reviens à ce qu'on disait au tout début de l'émission, on entendait Georges-Émile Lapalme lui-même en parler à Fernand Seguin, on dit que c'est Lapalme qui l'écrit, ce fameux programme électoral des libéraux en 1960. Comment est-ce possible avec ce qu'on vient de dire? C'est-à-dire qu'il l'écrit, mais c'est pas lui qui a toutes ces idées-là, hein. Il faut bien le préciser. Il a un certain nombre d'idées, mais il reprend des idées qui ont couru au sein de la société québécoise, chez plusieurs intellectuels, au Devoir, par exemple, ou ailleurs. Et il va concocter un peu toutes ces idées-là, les structurer, en faire deux cahiers à partir de grands thèmes, la culture, l'économie, la société, etc. Et donc, c'est effectivement tout un programme de réformes très importantes. On parle en économie de reprendre le contrôle de nos richesses naturelles. On parle pas de nationaliser nécessairement l'électricité, on va pas jusque-là, mais l'idée générale de reprendre possession de l'ensemble de nos richesses se trouve dans ce programme-là. Et surtout, ce qui est le plus important pour Georges-Émile Lapalme, il y a bien sûr on parle bien sûr de l'éducation, c'est sûr, mais ce qui est au centre de tout ça pour ce nouvel État québécois-là à construire, c'est le pivot central, c'est la culture. Et ça, il le place dès le début, si bien que dans ces deux cahiers qu'on a réunis un jour dans un livre qui s'appelle « Pour une politique », les premiers articles sont sous le thème de la culture. Ce qui définit l'État québécois, ce qui fait sa distinction, c'est sa culture. Donc, la culture au centre de l'État québécois et au centre de la culture, la question de la langue. Ça, on va y revenir, absolument, mais c'est très, très important. Française, ouais. Donc, une fois élu, Jean Lesage va faire de Georges-Émile Lapalme son vice-premier ministre et, compte tenu de ce qu'on vient de dire, va lui permettre de réaliser son vieux rêve de créer un ministère de la culture, les affaires culturelles, comme on disait à l'époque. Lapalme devient donc, en 61, le premier ministre de la culture du Québec. Il revient sur cet épisode de sa carrière politique à l'émission Le Sel de la semaine en novembre 1968. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire du ministère des Affaires culturelles? Je voulais en faire une grande affaire, une grande chose. Ici, il faut partir de zéro parce que dans des pays d'Amérique du Nord, il faut partir de zéro parce que les enfants ne naissent pas ici avec de la beauté devant les yeux, la cathédrale de Chartres ou bien le musée du Louvre ou le Prado à Madrid. Alors, il y avait une vulgarisation de la culture à accomplir. C'était long, il fallait trouver les hommes et le reste, bon. Et c'était avec l'Office de la langue française que j'aurais voulu que l'on fasse quelque chose de grand avec ça, qui aurait été capable de la rénover autant que Kemal a été capable de faire une langue nouvelle qu'on a appelée la langue soleil en Turquie. On l'a expurgé de tous les mots persans, ou bien donc faire comme Israël qui prend une langue morte, qui l'impose et qui, cinq ans après, fait que tous ses fonctionnaires parlent l'hébreu. Il me semble qu'ici, moi, on était capable, au bout de 5 ans, de faire parler un Français à tout le monde, si on avait voulu. Alors, extrait qui nous montre à quel point... D'abord, il s'enflamme quand il parle de langue, très passionné, de culture. Oui, toujours. C'est important pour lui, ce ministère des Affaires culturelles, la création de l'Office de la langue française. Oui, c'est aussi lui. C'est lui, oui, tout à fait. Quelle vision il a de la culture et concrètement, quelle vision il a de ce que le Québec doit se donner comme politique culturelle, comme politique linguistique, Jean-Charles Paneton? La politique culturelle va demeurer assez limitée. La loi 18 là, qui va être adoptée en 1961, qui crée le ministère des Affaires culturelles, prévoit la mise sur pied d'un certain nombre d'organismes. Principalement, résumons rapidement, l'Office de la langue française va être créé à ce moment-là. Et puis, une espèce de service d'outre-mer qui est l'idée de Lapalme de s'ouvrir sur le monde, entre autres de s'ouvrir sur la France, on en reparlera, mais de s'ouvrir sur la France pour justement avoir des relations soutenues avec la France, qui est le berceau, hein, c'est la conception de l'époque, là, le berceau de la langue française et de la culture française dans le monde. C'est quelque chose, il veut donner à ce ministère-là toute une importance qui, malheureusement, il ne pourra pas donner, parce qu'on lui donne pratiquement pas de budget, on lui donne pas de ressources non plus. Ils sont 3 ou 4 employés. Ils sont 3 ou 4 employés. Je pense qu'il a un budget de 3 millions. Donc, somme toute, par rapport aux autres grandes réformes de la Révolution tranquille, c'est très, très peu d'argent. Mais derrière cette idée-là de la culture, Lapalme veut démocratiser deux choses. Il veut démocratiser d'abord la culture. Il veut que ça soit accessible à tout le monde. Donc, multiplier les points d'accès à la culture, que ce soit les musées, que ce soit d'autres points comme tels. Et il veut aussi sortir le folklore de la culture. Parce que Lapalme a une idée de moderniser non seulement la langue, mais la culture aussi. Souvent, à l'époque, les musées, à l'époque de Duplessis, c'est souvent beaucoup des antiquités. C'est beaucoup... il se plaît à à blaguer là-dessus. C'est plutôt des trucs historiques, mais ce n'est rien de contemporain. Ouais. Alors qu'il reconnaît qu'on a un grand nombre d'artistes ouais. qui sont peu connus et qui n'ont aucune possibilité de se faire connaître au Québec même. Mm-hmm. Et donc, ce sera le début, mais avec des limites très sérieuses budgétaires, ce qui participera à... Puis il y aura une Maison du Québec, il réussira, il va rencontrer Malraux, puis la oui, première Maison du Québec... Oui, et c'est intéressant parce qu'il le fait sous de faux auspices. Il ne mentionne pas, en fait, à Jean Lesage. Il va le faire un peu en cachette, tout ça. Et puis il va le présenter sous l'angle économique pour être sûr que ça passe, ouais. et pas sous l'angle culturel... Mais voilà. Donc, ces grandes ambitions déçues par ce manque de moyens, ça va participer à ce qu'il quitte le ministère des Affaires culturelles en 64. Il va quitter la vie publique deux ans plus tard, en 66, avec oui, beaucoup d'amertume. On l'écoute une dernière fois à l'émission Propos et confidences du 20 décembre 1977. J'avais été tellement déçu par le pouvoir, pour toutes sortes de raisons. Non seulement à cause... du fait que nous étions toujours débordés, soit par les demandes, soit par les problèmes. Mais par la suite, je me suis dit probablement que je n'étais pas un homme du pouvoir ou un homme de pouvoir, probablement que j'étais un homme d'opposition. J'y avais passé tellement d'années de ma vie contre le personnage le plus marquant de cette époque. Je ne me retrouvais pas dans mon élément étant au pouvoir. Et lorsque j'ai écrit le dernier volume de mes mémoires en lui donnant le titre « Le paradis du pouvoir », il faut bien comprendre que je le dis sur le ton humoristique parce que si le paradis, si le pouvoir a été un paradis pour certains d'entre nous, il ne l'a pas été pour moi. Alors, si Georges Lémile Lapalme arrive dans cette entrevue en 1977, Jean-Charles Panton a constaté qu'il souffrait peut-être d'une espèce d'inaptitude au pouvoir. Faut savoir que son sentiment premier, d'abord et avant tout, quand il quitte la vie publique, c'est un grand sentiment d'amertume. Pourquoi est-il si amer de son passage en politique? Il est très amer. Il dira même qu'il a perdu les 19 années de sa vie à faire de la politique. Donc, très, très amer. Pourquoi il est amer? Essentiellement parce que c'est un homme qui a travaillé très fort avec conviction, je pense, authenticité durant toutes les années 50, à un moment où c'était très difficile. Comme on le mentionnait, la politique est dure. Ça a été très dur pour lui. Et au moment où le pouvoir arrive, il est dans l'ombre d'un autre homme qui vient un peu cueillir, si vous voulez. Exactement, qui vient réussir là où lui avait échoué pendant deux élections fédérales, provinciales, c'est-à-dire. Et donc, il doit vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et son rêve était de mettre sur pied un ministère des Affaires culturelles et il est bloqué à même son propre gouvernement et il ne peut pas réaliser son rêve, en fait, l'ambition qu'il avait de créer un véritable ministère des Affaires culturelles. Parce que ce gouvernement-là n'y croit pas. On va dire de ce ministère-là, c'est la bébelle à la panne. Oui, bien, il est confronté. On ajoute un peu d'odieux à tout ça. Celui, le fonctionnaire qui contrôle les dépenses du ministère des Affaires culturelles, qui a le dernier mot, c'est un monsieur Dolbec et c'est un unioniste connu qui a engagé Jean Lesage pour contrôler les dépenses de Georges-Émile Lapalme. Alors, pour Lapalme, c'est inacceptable, cette situation-là. Et dans sa lettre de démission, il écrira d'ailleurs à quoi sert un ministre si un fonctionnaire peut renverser toutes ses décisions. Jean-Charles Panton, historien, politologue, auteur de la biographie Georges-Émile Lapalme, précurseur de la Révolution tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.